La guerre du feu de J.H. Rony Aîné, 1920, lu par Ma pour Bibliboom. Première partie. Chapitre 1er. La mort du feu. Les hoularmes fuyaient dans la nuit épouvantable. Fous de souffrance et de fatigue, tout leur semblait vain devant la calamité suprême. Le feu était mort. Il l'élevait dans trois cages depuis l'origine de la horde. Quatre femmes et deux guerriers le nourrissaient nuit et jour. Dans les temps les plus noirs, il recevait la substance qui le fait vivre. À l'abri de la pluie, des tempêtes, de l'inondation, il avait franchi les fleuves et les marécages sans cesser de bleuir au matin et de s'ensanglanter le soir. Sa face puissante éloignait le lion noir et le lion jaune, l'ours des cavernes et l'ours gris, le mammouth, le tigre et le léopard. Ses dents rouges protégeaient l'homme contre le vaste monde. Toute joie habitait près de lui. Il tirait des viandes d'une odeur savoureuse, durcissait la pointe des épieux, faisait éclater la pierre dure. Les membres lui soutiraient une douceur pleine de force. Il rassurait la horde dans les forêts tremblantes, sur la savane interminable, au fond des cavernes. C'était le père, le gardien, le sauveur, plus farouche cependant, plus terrible que les mammouths, lorsqu'il fuyait de la cage et dévorait les arbres. Il était mort. L'ennemi avait détruit deux cages. Dans la troisième, pendant la fuite, on l'avait vu défaillir, pâlir et décroître. Si faible, il ne pouvait mordre aux herbes du marécage. Il palpitait comme une bête malade. À la fin, ce fut un insecte rougeâtre que le vent meurtrissait à chaque souffle. Il s'était évanoui. Et les houlames fuyaient, dépouillés dans la nuit d'automne. Et il n'y avait pas d'étoiles. Le ciel pesant touchait les eaux pesantes. Les plantes tendaient leurs fibres froides. On entendait clapoter les reptiles. Des hommes, des femmes, des enfants s'engloutissaient, invisibles. Autant qu'ils le pouvaient, orientés par la voix des guides, les hoularmes fuyaient une ligne de terre plus haute et plus dure, tantôt à gué, tantôt sur des îlots. Trois générations avaient connu cette route, mais il aurait fallu la lueur des astres. Vers l'aube, ils approchèrent de la savane. Une lueur transie filtra parmi les nuages de craie et de schiste. Le vent tournoyait sur des eaux aussi grasses que du bitume. Les algues semblaient en pustules. Les sauriens engourdis roulaient parmi les nymphéas et les sagittaires. Un héron s'éleva sur un arbre de cendre et la savane apparut avec ses plantes grelottantes sous une vapeur rousse jusqu'au fond de l'étendue. Les hommes se dressèrent moins recrues et franchissant les roseaux, ils furent dans les herbes sur la terre forte. Alors la fièvre de mort tombée, beaucoup devinrent des bêtes inertes. Ils coulèrent sur le sol. Ils sombrèrent dans le repos. Les femmes résistaient mieux que les hommes. Celles qui avaient perdu leurs enfants dans le marécage hurlaient comme des louves. Toutes semblaient sinistrement la déchéance de la race et des lendemains lourds. Quelques-unes ayant sauvé leurs petits, les élevaient vers les nuages. Faoum, dans la lumière neuve, dénombra sa tribu à l'aide de ses doigts et de rameaux. Chaque rameau représentait les doigts des deux mains. Il dénombrait mal. Il vit cependant qu'il restait 4 rameaux de guerriers, plus de 6 rameaux de femmes, environ 3 rameaux d'enfants, quelques vieillards. Et le vieux Goun, qui comptait mieux que tous les autres, dit qu'il ne demeurait pas un homme sur 5, une femme sur 3 et un enfant sur 1 rameau. Alors ceux qui veillaient sentirent l'immensité du désastre. Ils connurent que leur descendance était menacée dans cette source et que les forces du monde devenaient plus formidables. ils allaient rôder chétifs et nus sur la terre. Malgré sa force, Faoum désespéra. Il ne se fiait plus à sa stature ni à ses bras énormes. Sa grande face où s'aggloméraient des poils durs, ses yeux jaunes comme ceux des léopards, montraient une lassitude écrasante. Il considérait les blessures que lui avaient faites la lance et la flèche ennemie. Il buvait par intervalle à l'avant du bras le sang qui coulait encore. Comme tous les vaincus, il évoquait le moment où il avait failli vaincre. Les oulams se précipitaient pour le carnage. Lui, Faoum, crevait les terres sous sa massue. On allait anéantir les hommes, enlever les femmes, tuer le feu ennemi, chasser sur des savanes nouvelles et dans des forêts abondantes. Quel souffle avait passé? Pourquoi les oulams avaient-ils tournoyé dans l'épouvante? Pourquoi est-ce leurs os qui craquèrent, leurs ventres qui vomirent les entrailles, leurs poitrines qui hurlèrent l'agonie, tandis que l'ennemi, envahissant le camp, renversait les feux sacrés? Ainsi s'interrogeait l'âme de Faoum, épaisse et lente. Elle s'acharnait sur ce souvenir comme l'hyène sur sa carcasse. Elle ne voulait pas être déchue, elle ne sentait pas qu'elle eût moins d'énergie, de courage et de férocité. La lumière s'éleva dans sa force. Elle roulait sur le marécage, fouillant les boues et séchant la savane. La joie du matin était en elle, la chair fraîche des plantes. L'eau parut plus légère, moins perfide et moins trouble. Elle agitait des faces argentines parmi les îles vert de grisé. Elle jetait de longs frissons de malachite et de perles. Elle étalait des soufres pâles, des écaillures de mica, et son odeur était plus douce à travers les saules et les aulnes. Selon le jeu des adaptations et des circonstances, triomphaient les algues, étincelaient le lys des étangs ou le nénuphar jaune, surgissaient les flambes d'eau, les euphorbes palustres, les lysimaques, les sagittaires, s'étalaient des golfes de renoncules à feuilles d'aconite, des méandres d'orpins velus, de linaigrettes, d'épilobes roses, de cardamines amères, de rossolis, des jungles de roseaux et d'oserées où pullulaient les poules d'eau, les chevaliers noirs, les sarcelles, les pluviers, les vanneaux aux reflets de jade, la lourde outarde ou la marouette aux longs doigts. Des hérons guettaient au bord des criques roussâtres, des grues s'abattaient en claquant sur un promontoire. Le brochet barbelé se ruait sur les tanches, et les dernières libellules filaient en traits de feu vert, en zigzag de l'azurite. Faoum considérait sa tribu. Le désastre était sur elle comme une portée de reptile. Jaune de limon, écarlate de sang, vert d'algues, elle jetait une odeur de fièvre et de chair pourrie. Il y avait des hommes roulés sur eux-mêmes comme des pitons, d'autres allongés comme des sauriens, et quelques-uns râlaient, saisis par la mort. Les blessures devenaient noires, hideuses au ventre, plus encore à la tête, où elles s'élargissaient de l'éponge rougie des cheveux. Presque tous devaient guérir, les plus atteints ayant succombé sur l'autre rive ou péri dans les eaux. Faoum, détachant ses yeux des dormeurs, examina ceux qui ressentaient plus amèrement la défaite que la lassitude. Beaucoup témoignaient de la belle structure des hoularmes. C'étaient de lourds visages, des crânes bas, des mâchoires violentes. Leur peau était fauve, non noire. Presque tous produisaient des torses et des membres velus. La subtilité de leurs sens s'étendait à l'odorat, qui luttait avec celui des bêtes. Ils avaient des yeux grands, souvent féroces, parfois hagards, dont la beauté se révélait vive chez les enfants et chez quelques jeunes filles. Les tribus paléolithiques vivaient dans une atmosphère profonde. Leur chair recelait une jeunesse qui ne reviendrait plus, fleur d'une vie dont nous imaginons imparfaitement l'énergie et la véhémence. Faoum leva les bras vers le ciel avec un long hurlement. « Que feront les houlams sans le feu ? » cria-t-il. Comment vivront-ils sur la savane et la forêt? Qui les défendra contre les ténèbres et le vent d'hiver? Ils devront manger la chair crue et la plante amère. ils ne réchaufferont plus leurs membres. La pointe de l'épieu demeurera molle. Le lion, la bête aux dents déchirantes, l'ours, le tigre, la grande hyène les dévoreront vivants dans la nuit. Qui ressaisira le feu? Celui-là sera le frère de Fahoum. Il aura 3 parts de chasse, 4 parts de butin. Il recevra en partage Gamla, fille de ma sœur. Et si je meurs, il prendra le bâton de commandement. Alors Nao, fils du léopard, se leva et dit « Qu'on me donne 2 guerriers aux jambes rapides, et j'irai prendre le feu chez les fils de mammouth ou chez les dévoreurs d'hommes qui chassent au bord du double fleuve. » Fahoum ne lui jeta pas un regard favorable. Nao était, par la stature, le plus grand des oulams. Ses épaules croissaient encore. Il n'y avait point de guerrier aussi agile, ni dont la course fût plus durable. Il terrassait Mou, fils de Lurus, dont la force approchait celle de Fahoum. Et Fahoum le redoutait. Il lui commandait des tâches rebutantes, l'éloignait de la tribu, l'exposait à la mort. Nao n'aimait pas le chef, mais il s'exaltait à la vue de Gamla allongée, flexible et mystérieuse, la chevelure comme un feuillage. Nao la guettait parmi les oserées, derrière les arbres ou dans les replis de la terre, la peau chaude et les mains vibrantes. Il était, selon l'heure, agité de tendresse ou de colère. Quelquefois, il songeait à se précipiter sur elle, comme on fait avec les filles des hordes ennemies, à la jeter sur le sol d'un coup de massue. Pourtant, il ne lui voulait aucun mal. Il l'avait eue pour femme. Il l'aurait traitée sans rudesse, n'aimant pas à voir croître sur les visages la crainte qui les rend étrangers. En d'autres temps, Fahoum aurait mal accueilli les paroles de Nao. Mais il ployait sous le désastre. Peut-être l'alliance avec le fils de Léopard serait bonne. Sinon, il saurait bien le mettre à mort. Et se tournant vers le jeune homme. Fahou n'a qu'une langue. Si tu ramènes le feu, tu auras Gamla sans donner aucune rançon en échange. Tu seras le fils de Fahoum. Il parlait la main haute avec lenteur, rudesse et mépris. Puis il fit un signe à Gamla. Elle s'avançait tremblante, levant ses yeux variables pleins du feu humide des fleuves. Elle savait que Nao la guettait parmi les herbes et dans les ténèbres. Lorsqu'il paraissait au détour des herbes, comme s'il allait fondre sur elle, elle le redoutait. Parfois aussi son image ne lui était pas si désagréable. Elle souhaitait tout ensemble qu'il périsse sous les coups des dévoreurs d'hommes et qu'il ramenât le feu. La main rude de Fahoum s'abattit sur l'épaule de la fille. Il cria dans son orgueil sauvage. Laquelle est mieux construite parmi les filles des hommes? Elle peut porter une biche sur son épaule, marcher sans défaillir du soleil du matin au soleil du soir, supporter la faim et la soif, apprêter la peau des bêtes, traverser un lac à la nage. Elle donnera des enfants indestructibles. Si Nao ramène le feu, il viendra la saisir sans donner des haches, des cornes, des coquilles ni des fourrures. Alors, Agou, fils de l'Auroch, le plus velu des oulams, s'avança plein de convoitise. Agoum veut conquérir le feu. Il ira avec ses frères guetter les ennemis par-delà le fleuve. Et il mourra par la hache, la lance, la dent du tigre, la griffe du lion géant, où il rendra aux oulams le feu sans lequel ils sont faibles comme des cerfs ou des saïgas. On apercevait de sa face qu'une bouche bordée de chair crue et des yeux homicides. Sa stature trapue exagérait la longueur de ses bras et l'énormité de ses épaules. Tout son être exprimait une puissance rugueuse, inlassable et sans pitié. On ignorait jusqu'où allait sa force. Il ne l'avait exercée ni contre Fahoum, ni contre Mou, ni contre Nao. On savait qu'elle était énorme. Il ne l'essayait dans aucune lutte pacifique. Tous ceux qui s'étaient dressés sur son chemin avaient succombé, soit qu'il se bornât à leur mutiler un membre, soit qu'il les supprimât et joignît leur crâne à ses trophées. Il vivait à distance des autres oulams, avec ses 2 frères velus comme lui, et plusieurs femmes réduites à une servitude épouvantable. quoique les Oulam pratiquassent naturellement la dureté envers eux-mêmes et la férocité envers autrui, ils redoutaient chez les fils de l'Auroch l'excès de ses vertus. Une réprobation obscure s'élevait, première alliance de la foule contre une insécurité excessive. Un groupe se pressait autour de Nao, à qui la plupart reprochaient son peu d'âpreté dans la vengeance. Mais ce vice, parce qu'il se rencontrait chez un guerrier redoutable, plaisait à ceux qui n'avaient pas reçu en partage les muscles épais ni les membres véloces. Faoum ne détestait pas moins Agou que le fils du léopard. Il le redoutait davantage. La force velue et sournoise des frères semblait invulnérable. Si l'un des trois voulait la mort d'un homme, tous trois la voulaient. Quiconque leur déclarait la guerre devait périr ou les exterminer. Le chef recherchait leur alliance. Ils se dérobaient et muraient dans leur méfiance, incapables de croire ni à la parole ni aux actes des êtres, courroucés par la bienveillance et ne comprenant pas d'autre flatterie que la terreur. Faoum, aussi défiant et aussi impitoyable, avait pourtant les qualités d'un chef. Elle comportait l'indulgence pour ses partisans, le besoin de la louange, quelques socialités étroites, rares exclusives, tenaces. Il répondit avec une déférence brutale. « Si le fils de l'Auroch rend le feu aux Oulam, il prendra Gamla sans rançon, il sera le second homme de la tribu, à qui tous les guerriers obéiront en l'absence du chef. » Agou écoutait d'un air brutal. Tournant sa face touffue vers Gamla, il la considérait avec convoitise. Ses yeux ronds se durcirent de menaces. « La fille du marécage appartiendra au fils de l'Auroch. Tout autre homme qui mettra la main sur elle sera détruit. » Ces paroles irritèrent Nao. Acceptant violemment la guerre, il clama « Elle appartiendra à celui qui ramènera le feu. Agou le ramènera. » Ils se regardaient. Jusqu'à ce jour, il n'avait existé entre eux aucun sujet de lutte. Conscients de leur force mutuelle, sans goût commun ni rivalité immédiate, ils ne se rencontraient point, ils ne chassaient pas ensemble. Le discours de Faoum avait créé la haine. Agou, qui la veille ne regardait guère Gamla, lorsqu'elle passait furtive sur la savane, tressaillit dans sa chair, tandis que Faoum vantait la fille. Construit pour les impulsions subites, il l'a voulu aussi âprement que s'il l'avait voulu depuis des saisons. Dès lors, il condamnait tout rival. Il n'eut pas même de résolution à prendre. Sa résolution était dans chacune de ses fibres. Nao le savait. Il assura sa hache dans la main gauche et son épieu dans la droite. Au défi d'Agou, ses frères surgirent en silence, sournois et formidables. Ils lui ressemblaient étrangement, plus fauves encore, avec des îlots de poils rouges, des yeux moirés comme les élytres de carabes. Leur souplesse était aussi inquiétante que leur force. Tous trois, prêts au meurtre, guettaient Nao. Mais une rumeur s'éleva parmi les guerriers. Même ceux qui blâmaient en Nao la faiblesse de ses haines ne voulaient pas le voir périr après la destruction de tant d'Oulam et lorsqu'il promettait de ramener le feu. On le savait riche en stratagèmes, infatigable, habile dans l'art d'entretenir la flamme la plus chétive et de la faire rejaillir des cendres. Beaucoup croyaient à sa chance. À la vérité, Agou aussi avait la patience et la ruse qui font aboutir les entreprises, et les Oulam comprenaient l'utilité d'une double tentative. Ils se levèrent en tumulte. Les partisans de Nao, s'encourageant aux clameurs, se rangèrent en bataille. Étrangère à la crainte, le fils de l'Auroch ne méprisait pas la prudence. Il remit à plus tard la querelle. Goun aux eaux secs rassembla les idées brumeuses de la foule. Les Oulam voulaient-ils disparaître du monde? Oublient-ils que les ennemis et les eaux ont détruit tant de guerriers? Sur quatre, il en demeure un seul. Tous ceux qui peuvent porter la hache, les pieux et la masse doivent vivre. Nao et Agou sont forts parmi les hommes qui chassent dans la forêt. Si l'un d'eux meurt, Les Oulams seront plus affaiblis que s'il en périssait quelques autres. La fille du marécage servira celui qui nous rendra le feu. La horde veut qu'il en soit ainsi. » Qu'il en soit ainsi, appuyèrent des voix rugueuses. Et les femmes, redoutables par leur nombre, par leur force presque intacte, par l'unanimité de leurs sentiments, clamèrent. Gamla appartiendra aux ravisseurs du feu. Agou haussa ses épaules poilues. Il exécra la foule, mais ne jugea pas utile de la braver. Sûr de devancer Nao, il se réserva, selon les rencontres, de combattre son rival et de le faire disparaître. Et sa poitrine s'enfla de confiance.